50 languages. 16. 16. فصول السنة والطقس. Les saisons et le temps. Les saisons et le temps. هذه هي فصول السنة. Voici les saisons. Voici les saisons. الربيع, الصيف. Le printemps, l'été. Le printemps, l'été. الخريف والشتاء. L'automne et l'hiver. L'automne et l'hiver. الصيف حار. L'été est chaud. L'été est chaud. فالصيف تسطع الشمس. En été, le soleil brille. En été, le soleil brille. فالصيف نحب أن نتنزه. En été, nous aimons nous promener. En été, nous aimons nous promener. الشتاء بارد. L'hiver est froid. L'hiver est froid. في الشتاء تثلج أو تمطر. En hiver, il neige ou il pleut. En hiver, il neige ou il pleut. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. En hiver, nous aimons rester à la maison. En hiver, nous aimons rester à la maison. الجو بارد. Il fait froid. Il fait froid. إنها تمطر. Il pleut. Il pleut. الجو عاصف. Il y a du vent. Il y a du vent. الجو دافئ. Il fait chaud. Il fait chaud. الجو مشمس. C'est ensoleillé. C'est ensoleillé. الجو صافٍ. C'est gai. C'est gai. كيف الطقس اليوم؟ Comment est le temps aujourd'hui? Comment est le temps aujourd'hui? اليوم الجو بارد. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. اليوم الجو دافئ. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui.